Molt benvingut i molt benvingudes. Aquesta és l'edició número 7 del vostre, del nostre programa, dedicat a la música en francès. Això es diu Oh La La Music. Rebeu les salutacions més cordials a càrrec de Rafael Corbí. Des d'aquest petit tros de l'Empordaneta per tot el món, amb la bona música i els bons ritmes. Dedicat a tots vosaltres, però especialment a aquesta gent que ens fa estimar la música en francès, avui arriba el nostre programa. Comencem, com sempre, darrerament, amb les col·laboracions dels nostres oients i amb aquestes col·laboracions tan especials que ens aporten gent com, per exemple, el nostre Femme Fatale particular d'aquest programa, amb la Norma i les seves tries musicals. A part d'això, gaudirem de les col·laboracions amb aquest programa de l'Àngel Rodríguez, d'en Hamid i també d'en Cyril Torres. Avui la Norma ens proposa un viatge que protagonitzarem en un altre dia de manera molt més completa per dedicar cançons a París. I ho fa amb la veu del protagonista també de la setmana passada. Si la setmana passada ens recomanava quatre cançons d'Yves Montand, avui ens en recomana tres concretament dedicades a la ciutat de París i en la veu d'aquest grandíssim artista que va ser Yves Montand. La primera d'elles dedicada a París. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours. Et des tours. Excel·lent intèrpret i magnífic, també protagonista de diverses pel·lícules a finals dels anys 40, després es va casar l'any 1951 amb Simone Signoret i va tenir diverses nominacions, aquell Premi César per millor actor 1980 per Comecker i després el 1984, al final de la seva carrera, per al seu inoblable paper a la pel·lícula anomenada Garçon. Moltes cançons, algunes de les quals vàrem recordar la setmana passada, el darrer programa, com Bàrbara, Les Fulles Mortes, mortes o dins de casa meva, aquell dans ma maison que també ens acompanyava, avui és el protagonista, seguint les indicacions d'aquesta oient nostra que tant bé tria les cançons, la música, els sentiments que els ha sap tocar. Sous le ciel de Paris, sota el cel de París, és l'altra cançó d'Yves Montand, també dedicada a París. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. I una darrera cançó d'aquesta primera selecció musical d'aquest començament del nostre espai de Hola la Musique, dedicada a la música en francès. És la tercera tria per aquesta setmana i ho deixarem aquí en el començament d'aquest espai. És una altra de les cançons de Yves Montand, que també ens parlava de París i que hi dedicarem tot un programa de ben segur a recordar i escoltar la música d'aquesta extraordinària ciutat que algun dia potser podríem visitar. És París, París amb nosaltres, París la nuit, París at night, és una altra de les cançons de Yves Montand amb la recomanació de la Norma per al nostre programa. Trois allumettes, une à une allumée dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. En

Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Je suis tombé fou amoureux, ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait, quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. They call me Mellow Yellow. Y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés, des airs qui partent en fumée, des trucs qui me collent encore au cœur et au corps. I'd be safe. Lauren, de nom real Lucien, va néixer el 18 de desembre de 1948 a París, de pares d'origen guadalupeny. Amb bona música i bons ritmes, això em recorda molt també a la música de la meva més joventut, amb temes com aquells Stars on 45, veritat, que també van sonar moltíssim i que eren també remixos i, a més, doncs, unes barreges excepcionals de bona música. Ell ho va fer amb aquest Rock Collection que avui ens ha presentat el bon amic Àngel Rodríguez amb el nostre programa. Escoltem una cançó de la François Hardy que ens acompanyarà amb el programa d'avui. Comme toi, j'ai un cœur qui ne peut rien promettre, à qui l'amour fait peur, mais qui t'aime peut-être. À quoi ça sert de le cacher? À quoi ça sert d'y échapper? Je n'ai rien à t'offrir que ce que mes yeux voient. Tu ne veux pas souffrir, mais qui ne souffre pas? À quoi ça sert de l'éviter? À quoi ça sert de t'en aller? Je n'ai que les étoiles

Va ser bonic, no? Va ser increïble. Va ser meravellós. On était vu és la cançó de la Luan amb una llista francesa en la qual destaquen per sobre de tot música en castellà, que n'hi ha força, però també música en anglès. I difícil trobar amb la llista de vendes oficial francesa molta música en francès, una cosa impensable, al meu entendre, fa temps enrere. És el que més sona i el que més se'ns ha portat en temes com aquest de la Luan, però també ja que estem en un espai dedicat a l'actualitat musical, la música de Julien Doré, nascut el 7 de juliol del 1982, guanyador de la cinquena edició de la Nouvelle Star, l'operació Triomf de França. Cantant, toca la guitarra i també l'ukelele, i aquesta peça es diu Coco Calin. Així, hem escoltat la música de Julien Doré i aquest Coco Calin, el seu primer disc va ser Ersatz, que va sortir a la venda el 16 de juny de 2008 amb Els Límits com a primer senzill. També és molt coneguda la seva versió de Moi Lolita de l'artista pop francesa Alizé. Esteu escoltant Ulala Music. Dins el nostre espai, dedicat a la música en francès, ens agrada aquestes col·laboracions que aquests amics nostres ens aporten i que ens fan descobrir altres mons i altra manera de veure la música o incideixen amb els seus gustos més particulars. Un d'ells i que ens apreciem més és en Ciril Torres, que una vegada més aquesta setmana ens acompanya per presentar-nos algun d'aquests artistes d'arreu del món que canta en francès i que ens descobreix uns horitzons que fins ara només havíem albirat de molt lluny. Bon dia, benvingut. Bon dia, Rafael, i gràcies. Bon dia a tots els seguidors del Olala Music. I ens anem a Camerún, ens anem a l'Àfrica Central, l'Àfrica Negra. Aquesta Àfrica, doncs, francòfona en el seu moment, degut a tot el segle XX i el colonialisme, ens anem a sentir el que per mi és una joia. És un dels temes, segurament, que més estima li tinc. És un sucús, que és aquest ritme congolès amb unes guitarres elèctriques frenètiques i desbordants, i en aquest cas parla de la dificultat de viure en el luxe i de els problemes que suposa, doncs, ser una estrella. És el Prince Edayo i el tema és Les Problèmes. Ne te fais pas de chagrin, c'est tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule, c'est tout le monde qui a des problèmes. Animaux, ne te fais pas de soucis, Ali Mama, c'est tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule, c'est tout le monde qui a des problèmes. Tu me vois souvent rouler dans des grosses voitures, alors que j'ai des problèmes. Tous les jours je suis à la Côte d'Azur avec des nanas, alors que j'ai des problèmes. Tous les jours je suis dans les boîtes de nuit pour casser des champagnes, alors que j'ai des problèmes. Premier bureau, c'est moi. Deuxième bureau, c'est moi, alors que j'ai des problèmes. Alimo, ne te fais pas de chagrin, Alimama, tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule, c'est tout le monde qui a des problèmes. Alimo, ne te fais pas de soucis, Alimama, tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule, c'est tout le monde qui a des problèmes. Pour toi tu veux souffrir, Alimae. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a sa façon de prendre la vie. Pourquoi tu dois pas souffrir, Alimae. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a sa façon de prendre la vie. Abena Bwange, Montagna, Ekoso Yango, Montagna, Christian Mike, Montagna, Elcha Matike, Montagna, Adonge Wane, Montagna, Agabie Sama, Montagna, Alimae, Monte Wane Komipsima, Umin Konse, Oikonowo, Dube Mwena Dimbonge, Monte Wane Kotivipae, Umin Konse, Oikonowo, Kandele Noe Diam, Wano Aikawo, Alima, Oikonowo. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun. Ça fait bouger les pieds, les problèmes de la vie. Ça fait mentir que pardon. Ça fait tourner la tête. Ça fait bouger les pieds, les problèmes de la vie. Ça fait mentir que pardon. Monsieur et dame, face à face. Monsieur et dame, face à face. Oh, monsieur et dame, taille à monsieur et dame, taille à monsieur et dame, face à face. Monsieur et dame, face à face. monsieur et dame. Taya-ha. Monsieur et dame. Taya-ha. Ça fait tourner la tête, ça fait bouger les pieds. Les problèmes de la vie, ça fait bâtir pardon. Ça fait tourner la tête, ça fait bouger les pieds. Monsieur et dame, face à face. Monsieur et dame, taille en haut. Oh, monsieur et dame, face à face. Monsieur et dame, taille en haut. Alima, même si mes poches sont trouées, je suis toujours en veste et cravate. Je s'en fous, à chacun son problème. Hein? Attention beau frérot, tu veux te tuer? Mais bois d'abord un verre de gold face avant de mourir. Quand tu seras en affaire, tu verras mon grand-père. Dis-lui que moi-même, j'ai des problèmes, mais sérieusement, je ne vais pas mourir. Els problemes que ens aporta Prince Dayo amb la col·laboració que ens obsequiava en Cyril. Seguim a l'actualitat musical amb el nostre programa. Hi haurà temps pels records, però ara ens perdrem cap a la Catalunya Nord. Un personatge nascut allà, nascut una mica més amunt, de fet, a Perigús, a la Dordònia, a l'Occitània, el 3 de juliol del 1996, nascut amb el nom de Kenji Maillé. És Kenji Girac, així se'l coneix professionalment. És un cantant francès d'origen gitano al sud de França i, per tant, de parla catalana. Va guanyar la tercera temporada del concurs la veu més bonica de Voice, un programa organitzat pel canal generalista privat de televisió TF1 el 2014. És un dels cantants més destacats actualment a l'estat francès. Es va donar a conèixer per internet el 2013 amb una versió de vella de Maître Gims a l'estil gypsy, el vídeo de la qual va tenir més de 5 milions de visites a YouTube. Això li va permetre presentar-se amb aquest concurs que us comentàvem i finalment guanyar-lo. En acabar el concurs, el primer ministre francès Manuel Valls el va felicitar en català i van intercanviar unes paraules en la llengua materna de tots dos. El tercer clip de l'àlbum Kenji, el Mai Me, comença amb una conversa en català entre ell i un amic pels carrers de Barcelona, ciutat on es va rodar íntegrament el clip. Girac, seguint la tradició d'altres músics francesos, com Manitas de Plata i els Gypsy Kings, viuen en normalitat la seva condició de gitanos i, a més, catalanoparlants. Escoltem Kenji Girac amb aquest tema Ella em va estimar. Je crois que j'étais bien trop lâche. Pour lui dire adieu les yeux dans les yeux, parti sans même prendre bagage, pensant faire ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve, je me vois remonter le temps, revenir à nos plus belles balades, tous les deux sur les quais, les yeux vers l'horizon. Son cœur entre les mains, des souvenirs au goût amer, caresse mes doutes les plus sensibles, sachant que mes actes d'hier restent à jamais irréversibles. Je sais que je n'étais pas pour elle, pourquoi me manquerait-elle autant? Quand je n'étais rien, qu'est-ce que j'ai donné en retour?

Aquesta és la música que dona introducció, com sempre, amb el nostre programa amb en Hamid. Avui li donem la benvinguda en català amb en Hamid perquè ens presenti aquesta cançó. Benvingut, Hamid, una bonjour, vegada més. Bonjour. Quand je préparais ma compilation Méditerranéen Café Songs, je me trouvais un peu insouciant au point de vue de ne pas avoir tant d'artistes français, mais quand j'avais la chance de faire la rencontre de Fatal Mambo, et la chanson c'est Ma Bossole qui a été numéro 1 les années 90, 94, 95. Marque que le sud. Et je sais pas, et je sais pas, j'ai l'habitude. Quand je l'ai rencontré, j'étais paumé, calé, brisé. En rupture d'image, interlude. Où veux-tu que j'aille sans toi, ma boussole? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille sans toi, ma boussole? Où veux-tu que j'aille? J'ai bataillé pour la séduire, pour qu'elle reste avec moi. J'étais un combattant, je devenais sa proie. J'étais perdu sans elle, ses yeux noirs, ses ondes telluriques. Mon électro-aimant, lumière pour un moustique. Où veux-tu que j'aille sans toi, ma boussole? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu? Où veux-tu? Où veux-tu que j'aille sans toi, ma boussole? Per aquesta setmana d'en Hamid, c'est un mélange de musique méditerranée. C'est vraiment fatalement beau. La boussole, c'est salsa et c'est rumba et c'est aussi flamenco. Merci. Bonjour.